Bonjour Anaïskia. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'histoire ce matin, l'identité de nos régions et les panneaux d'autoroute, ça c'est toute une histoire. Impossible d'y échapper, les panneaux qui vantent les richesses patrimoniales des régions françaises jalonnent le paysage des autoroutes pour attirer les touristes. Des châteaux, des églises, des spécialités gastronomiques, des personnages historiques, des vaches, des moutons, des chevaux, des pâtisseries, des fromages, la cargolade, la tarte tatin ou encore la fameuse noix du Périgord. Le programme de ces panneaux marrons qui bordent les quatre voies est bien vaste. Pour résumer en quelques motifs, le patrimoine des régions traversées. Un condensé d'identité locale qui a pour mission de restituer la richesse fièrement attachée à la culture nationale. J'ai pensé immédiatement aux hiéroglyphes égyptiens. J'ai trouvé que ça avait un rapport... les pictogrammes, la simplicité et tout... Tout avait un lien, la symbolique, de viser juste la structure de l'objet, la silhouette, la chose qui doit être lue à 130 à l'heure. C'est le fil rouge du documentaire de Seb Koupi, l'image qu'on s'en fait, que l'on trouve sur la plateforme Tank jusqu'à la fin mars. Montrer les chemins qui mènent au trésor national, rarement visible depuis l'autoroute, entre le moche et le somptueux, comment titiller l'imaginaire du touriste. La tâche n'est pas simple de parvenir à contenir toutes les subtilités de l'être français en quelques objets qui définissent façon rébus ce qu'il est bon de retenir du territoire concerné. Composer ces panneaux, c'est trouver un consensus entre de multiples acteurs du territoire pour parachever une carte de visite de plusieurs mètres carrés. Les collectivités locales s'arrachent les cheveux lorsque leur histoire passe par les combats sanglants des guerres passées. Une image sensible à manier avec précaution. Voilà, donc la thématique, c'était effectivement, bien sûr, il faut lui montrer le monument. Et puis, effectivement, ça m'a permis de mettre les maquisards. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs propositions avant ça. D'autres qui étaient quand même très guerrières, très, avec beaucoup d'action. Et puis, effectivement, dit que finalement, on venait un peu en arrière avec le climat actuel. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose de trop guerrier. Évidemment, c'est guerrier, mais il y a quand même eu quelques centaines de morts. Hein. C'est la guerre. Si ces panneaux marrons n'inspirent pas la flamboyance patrimoniale qu'ils essaient de vendre, c'est un langage au carrefour de très nombreuses contraintes. L'image qu'on s'en fait de Seb Koupi n'explore pas le talent de l'ingénierie touristique, mais la mission impossible de résumer les identités françaises sur ces panneaux d'autoroute qui se résument à une fiction facile à s'approprier pour le visiteur de passage. Confrontation avec les habitants d'un village typique par ceux dont la vie s'y déroule. Ah oui, c'est le château ça. Ah, t'as la petite fontaine là. Et après, on joue au foot là à côté, à la Lauber. Quand il faisait chaud l'été, on se baignait à la fontaine carrément. On gagnait notre temps. Ouais, c'est vrai. Ça évitait d'aller à la piscine et de payer. J'étais des pièces. Une petite fleur, c'est pour la dame au camélia, ça. Ouais, bah c'est un peu l'emblème de la ville, quoi. Les églises, les champs fertiles, les vieilles pierres, autant de signes qu'on retrouve sur les affiches électorales. Un candidat aux dernières législatives choisit de coller au premier plan d'un décor typique du terroir français qui fleurbond l'authenticité facile, une éolienne. Parce que la culture s'accommode mal de l'immobilité, comment prendre en compte les apports constants et successifs et ses nouveaux habitants? Le nouveau ne s'accorde pas toujours bien avec l'authentique, pourtant c'est le cours normal de la vie. L'image qu'on s'en fait de Sébastien Koupi, c'est une plongée dans la complexité des identités françaises, dans leur rapport au patrimoine, un portrait sensible entre l'autoroute et l'intimité de ceux qui vivent au bout de sa bretelle. Merci beaucoup Anaïs pour retrouver les liens qui nous conduisent vers le documentaire L'image qu'on s'en fait. Il suffit de suivre le panneau du journal de l'histoire franceculture.fr.